Le seigneur de l'Égalade par Édouard Ourliac. C'est un curieux homme que le sire de l'Égalade est bien surprenant pour le temps où nous sommes. Lui seul, peut-être, de toute la vieille noblesse, a gardé sa bonne humeur et le secret des joyeux passe-temps dans sa terre de l'Égalade en Picardie, où il vit en ermite, et où nous eûmes l'honneur de lui faire visite au commencement de l'automne dernier. On arrive au château par une longue avenue plantée de pommiers, et s'y semée de gravois, de fumiers, de grosses pierres, que nous fûmes sur le point de renvoyer notre voiture de peur d'accident. Mais un paysan nous indiqua une contre-allée bien unie et bien ombragée, où nous roulâmes comme sur un tapis jusqu'à l'entrée du domaine. Or, cette entrée est tout ce qu'on peut voir de plus misérable, et l'on dirait plutôt les dehors d'une ferme de pauvres gens. C'est un mur de paille hachée couvert en chaume, comme on en fait dans le pays, une porte mal jointe et tremblant à tout vent, une hutte toute crevassée, une mare d'eau croupie d'un côté, un tas d'ordures de l'autre. Nous n'aurions jamais songé que c'était là la grande porte, si on ne l'eût affirmée. Il y avait sur le mur une cloche énorme, dont la corde pendait en dehors, et près de la patte de biche on lisait sur un écriteau « Sonnez doucement, s'il vous plaît ». Je pensais qu'en effet, le moindre branle donné à cette machine devait causer un tintamarre effroyable, et je ne voulus pas qu'un domestique s'en mêlât. Je m'approchai doucement, je pris le cordon avec précaution, je tirai enfin. Je n'ai jamais entendu pareil vacarme de fanfare, de cordes de chasse, de clochettes, de timbales. Je faillis être renversé. Des gens accouraient, des chiens aboyaient, des valets criaient, et l'infernale musique allait toujours son train. J'étais confondu, mais les gens qui nous ouvrirent n'y prirent pas garde. C'étaient des laquais en grande livrée d'un excellent goût. Je m'aperçus alors que ces murs si misérables dehors étaient revêtus au-dedans d'une belle couche de pierre et que la hutte était une superbe loge de Suisse, toute blanchie à neuf et supérieurement meublée. On nous montra le chemin. Le mur d'enceinte que nous avions vu renfermait les anciens fossés du château, et nous demeurâmes assez émus quand nous vîmes qu'il fallait les passer sur une seule planche large au plus d'un demi-pied. Au-dessous croupissait une eau, ou plutôt une vase verdâtre, toute couverte de cette mousse qui s'amasse sur les marais et qui faisait lever le cœur à la seule pensée de s'y laisser choir. Je voulus faire le brave à la vue de la compagnie, et je m'aventurai sur le pont branlant, non sans m'en repentir quand je fus vers le milieu, car je suais à grosses gouttes. Mon exemple encouragea les autres, on me suivit peu à peu. Ce ne fut pas sans de grandes transes. Comme je me retournai sur l'autre bord, je vis un des laquais qui, pour nous suivre plus vite, se précipitait dans le fossé. Hé ! Lui criai-je, que faites-vous donc ? Mais il était déjà au beau milieu des flaques vertes. Le drôle n'enfonça pas d'un pouce. On peut donc aussi passer par là ? Sans doute, dit-il, et il frappa de toute sa force sur cette surface qui n'était qu'une belle et solide pelouse artistement revêtue de plantes aquatiques. À l'instant même, nous vîmes venir M. de l'Égalade, qui nous criait de loin en serrant les pans de sa robe de chambre, à travers lesquels je crus entrevoir sa peau. En effet, comme il courait, ses basques s'entr'ouvrirent, et je vis une de ses jambes du haut en bas. « Ah, mon Dieu, pensais-je, nous le surprenons tout nu !» Il se recouvrit avec précaution en nous abordant, mais sa situation nous jetait dans le plus grand trouble, et 20 fois je fus sur le point de trouver un prétexte pour lui donner le temps de s'accommoder. Il n'en paraissait pas plus gêné pour cela, et nous fit toutes sortes de galanteries. « Je vous demande pardon, dit-il seulement, de vous recevoir dans le désordre où me voilà. » Et en disant ceci, il ouvrit toute grande sa robe de chambre. Les dames baissèrent la tête, nous étions nous-mêmes fort décontenancés. Cependant, je ne pus m'empêcher de donner un coup d'œil en dessous, et je crus reconnaître dans cette apparence et cette couleur de chair le tissu d'une étoffe. « Je porte ces tricots le matin, » ajouta M. de l'Égalade. « C'est salissant, mais le rose tendre est ma couleur de prédilection. » Et tout en causant, il tira une tabatière que je considérais parce qu'elle me parut de grand prix. Mais il ne l'eut pas plutôt ouverte que je frissonnais. Elle était remplie d'araignées toutes mortes, les pattes repliées. Il en prit une, aussi simplement qu'il l'eût fait d'une prise de tabac, et l'avala en montrant un point de vue à ces dames. Je me rapprochai avec effroi de M. de B. qui me dit « C'est une dégoûtante manie qu'il aura prise de M. Lalande, l'astronome, qui était de ses grands amis. « Voulez-vous du cachou de Bologne ?» me dit M. de l'Égalade, en m'offrant sa tabatière toujours ouverte. Ce bonbon rafraîchit la bouche le matin. » Et il croqua une autre araignée. J'en pris moi-même une, qui n'était d'autre chose en effet qu'un morceau de cachou. Cependant, nous parcourions le parc qui était magnifique et des mieux entendus. Tout à coup, je fis un saut de côté. J'allais trébucher un traquenard sur lequel il était écrit « Piège à loup ». J'étais encore tout pâle de frayeur. En ce moment, M. de Légalade, se retournant pour ajuster la boucle de son soulier, fit mine de s'asseoir sur le terrible engin. « Prenez garde !» lui criai-je. « Ne craignez rien !» dit-il. Il détendit le ressort du piège qui se convertit en un pliant où l'on était commandément assis. « C'est un original achevé, » dis-je en m'éloignant, et je commençais à rire de l'humeur gaillarde et du grand sérieux de ce bon seigneur, bien résolu désormais à ne plus m'étonner de rien. Je précédais la compagnie de quelques pas, et je ne m'occupais plus que des mille recherches du paysage, quand, à travers un bouquet d'arbres que nous allions dépasser, et comme sous un berceau formé naturellement, j'entrevis, sur un banc de pierre, un jeune drôle qui tenait une villageoise embrassée, et qui la cajolait de tout cœur sans s'attendre à mal. Je m'arrêtai en sursaut, et je m'éloignai en toute hâte en trottinant sur la pointe des pieds. Je m'aperçus bientôt que plusieurs dames apercevaient le joyeux couple. Leur mine était à peindre. Elles n'allaient plus qu'à petits pas. Monsieur de Légalade, sans y prendre garde, marchait toujours. J'ai été fort curieux de ce qui allait suivre. Enfin, les dames s'arrêtèrent. Monsieur de Légalade leur fit signe de la main. « Ne voyez-vous pas, lui dit M. B, que nous allons déranger des gens fort mal à propos. « Qui donc ? Dit le seigneur d'un air étonné. « Ces gens que voilà, dit M. de B en les lui montrant. « Ce sont des statues, dit le seigneur. « Quoi ? Des statues habillées ? Des statues peintes ?» Et s'approchant, il donna un soufflet aux villageois, qui ne bougea point et résonna creux. C'étaient, comme nous vîmes, deux fort jolies figures en costume villageois, très ingénieusement groupées et peintes à l'huile, de façon à tromper l'œil même de fort près. Tout le monde éclata de rire. Je ne revenais pas de la surprise, et la belle humeur me tenait encore à 100 pas de là. Mais je m'en voulus, en découvrant dans un petit fourré de cyprès une tombe de marbre blanc surmontée d'une urne funéraire. Je craignis que ma gaieté ne fût prise en mauvaise part, en approchant d'un lieu si grave, où l'on avait réuni tout ce qui peut toucher et attrister l'âme. J'eus un moment l'idée de quelques nouvelles balivernes, mais je vis en caractère simplement taillé dans le marbre du mausolée cette inscription « Ici repose ce que j'aime le plus au monde ». Je ne doutais pas que ce ne fût la sépulture d'un parent de M. de Légalade, et je retournai sur mes pas avec une physionomie appropriée à la circonstance. Les personnes qui me suivaient éprouvèrent le même sentiment et se découvrirent par déférence. « Si vous voulez le permettre, dit M. de Légalade, nous nous reposons ici. « Mais, dit une dame, ne pourrions-nous trouver quelque lieu moins lugubre ? C'est qu'il serait temps de vous faire servir des rafraîchissements. » M. de B montra le mausolée avec une sorte de pudeur. « Précisément, dit le bonhomme. Il fourra une petite clé dans un coin du monument, deux tringles de cuivre, soulevèrent le couvercle de marbre, et l'on vit au-dedans, en superbe ordonnance, une dinde truffée, deux beaux et bons jambons garnis de leurs épices, un superbe pâté de venaison couronné de têtes de perdrix, un assortiment de volailles froides et une profusion incroyable de gimblettes, d'arioles, biscuits, massepains, croquignoles, dragées, cédrats, galettes, croquets, macarons, crèmes, meringues, nougats, confitures, compotes, fromages, ananas, le dessert le plus rare et le plus délicat. Monsieur de Légalade avait à peine ouvert ce buffet qu'il poussa le plus effroyable cri que j'ai jamais entendu. Je crus qu'il se rompait un bras. Quatre grands balais accoururent. « C'est, dit-il, ma manière d'appeler mes gens, car autrement ces marauds ne m'entendraient pas. » Les balais dressèrent le couvert, et quant au vin, adaptèrent un robinet à l'urne lacrymatoire, d'où coula un excellent vin de champagne à la glace. Quand on eut goûté, le ciel venant à menacer, on reprit le chemin du château. Comme je côtoyais la lisière du bois, je rencontrai une petite maisonnette de bois et de toile avec des stores délicatement roulés aux fenêtres. Cette fabrique avait l'extérieur d'une masure, mais je me doutais bien que l'intérieur en devait être fort somptueux, et j'allais tout d'abord me coller aux vitres d'une fenêtre à ceinture d'homme pour voir si l'on ne pourrait y attendre que l'ondée fût passée. Je demeurai pétrifié. Il y avait derrière la vitre un ours horrible dressé sur ses pieds, l'œil brillant, le museau tendu, comme s'il eût voulu m'embrasser. Je me reculai en poussant un cri. « C'est ma ménagerie !» dit M. de Légalade. Il nous fit voir, par l'autre fenêtre, une mêlée d'animaux les plus étranges et les plus hideux, loups, hyènes, autruches, aigles, tigres et panthères. « Mais quoi ?» cria une de ces dames. « Ils ne sont enfermés que de papier peint ?» Je trouvais pour le coup la plaisanterie assez mauvaise. « Voulez-vous entrer ?» nous dit gracieusement l'amphitryon. Il n'y eut qu'un cri d'effroi. « Ils sont empaillés !» ajouta-t-il. Il entra, nous le suivîmes. C'était une simple collection comme celle des musées. « Ça, nous dit le maître du logis, je vais vous mener à tout hasard dans la bibliothèque pour tenter d'y passer le temps. » Nous traversâmes une enfilade de pièces fort magnifiques et nous arrivâmes dans une galerie étroite, bien éclairée, tapissée de plusieurs milliers de volumes richement reliés et meublée de tables et de tout ce qui peut favoriser le recueillement. Je m'approchai d'une tablette et je lus au hasard, sur le dos d'un riche in octavo, « œuvre du marquis de Sade. Oh, oh » dis-je à M. de B. « Comment M. de Légalade peut-il laisser ce livre infâme exposé à tout venant, surtout à ces dames ?» J'ouvris le volume, c'était le traité de la sagesse de Charon. Je vis plus loin « Histoire de l'ordre des Chartreux ».« En voilà un, du moins, » repris-je, « qui s'explique sur le titre. » Je pris l'énorme tome et je tombai au hasard sur un coulis de gibier aux quatre épices. C'était un manuel de cuisine. « Au diable !» me dit M. de B. « Il faut désespérer de n'être point dupé avec cet homme-ci. » Cependant, les dames fourrageaient sur une table un amas de cahiers et d'estampes. L'une d'entre elles allait ouvrir un superbe recueil relié en cuir de Russie. Je l'arrêtai en lisant sur la couverture « Maladie cutanée, 22 planches ». Mais je le lui remis aussitôt en reconnaissant une belle collection de portraits de sujets gracieux gravés à Londres. On demeura là, quelque temps, à examiner ses curiosités. « Mais si vous le voulez bien, nous tâcherons de varier nos divertissements, » nous dit M. de Légalade. On traversa une grande galerie tapissée de bois de cerf et de trophées de chasse, un grand salon meublé à l'antique, puis une galerie de tableaux parfaitement éclairés. En entrant dans ce dernier endroit, je vis M. de B. sauter à plusieurs reprises avec précipitation. Il s'était avisé qu'il marchait sur un tableau de prix, une grande toile étendue à terre, attendant le cadre et laissée là par mes gardes. Il crut l'avoir crevé, et il en était au désespoir. « Ne faites pas attention, » dit le seigneur en mettant lui-même les pieds dessus. « Cela est fait exprès. » Je m'aperçus alors que le tableau était peint sur le parquet même et ne pouvait en être détaché. Au bout de cette galerie, enfin, on avait écrit au-dessus d'une porte « Cabinet de travail ». Nous entrâmes dans une sorte de laboratoire meublé de sphères, d'alambics, de cornues, de machines électriques, pneumatiques, d'électrophores, de télescopes et autres appareils pédantifiques. « Serait-ce ici par hasard, » me dit M. de B, « qu'il prétend qu'on se divertisse ?»« Allons, morbleu, » dit le bonhomme, « tuons le temps et jouons à de petits jeux. » Il prit une optique, c'était un tric-trac. Il déroula une lunette, c'était un jeu de loi. Il décrocha un fourneau, c'était un bilboquet. Et tous ces instruments farouches n'étaient que dames, échecs, roulettes, billards, hochets, pantins, cartes, dés, dominos, quilles, billes, palets, galets. On demeura là à jouer et à passer le temps agréablement tout le reste de l'après-midi jusqu'à l'heure où l'on vint annoncer que le souper était servi. On descendit dans la salle à manger où l'on trouva une table dressée avec toute la magnificence imaginable. Mais à présent que nous connaissions l'humeur de ce bon M. de Légalade, nous pensions qu'il avait réservé pour le souper ses machines les plus bouffonnes, et nous nous attendions à toutes sortes de diableries. On ne touchait point à un plat sans défiance. Cependant, M. de Légalade faisait les honneurs avec sa grâce et sa sérénité accoutumée. Jusqu'alors, je n'avais rien vu de remarquable, sinon la perfection des mets, l'empressement des valets, l'exactitude du service. J'avais plusieurs fois examiné les appareils du surtout. Mais je ne découvris rien de pareil à tout ce que nous avions vu. Enfin, j'avisai un certain plat couvert d'une cloche opaque qu'un balai venait de déposer dans un groupe de cristaux et auquel jusqu'alors on ne s'avisait point de toucher. J'en fis la remarque à M. de B, qui fut de mon avis, c'est-à-dire qui soupçonna que c'était encore quelque nouvelle surprise. Le dessert était venu. On causait plus librement. On choisit ce moment pour faire à M. de Légalade tous les compliments qu'on lui devait pour son charmant accueil. Il répondit gravement avec le goût et le tact que nous lui connaissions. Une dame loua surtout cette suite de tours ingénieux que nous avions admirés. Monsieur de Légalade prit un air fort étonné. « J'entends, reprit la dame, toutes ces facéties si élégantes et ces agréables mystifications qui nous ont tant divertis. »« Je ne sais, dit monsieur de Légalade, si vous avez à vous plaindre de quelqu'un de mes gens, et si j'aurais si mal réussi dans mon empressement à vous recevoir dignement, que vous ayez le droit d'en rire, mais dans tous les cas je vous demande une extrême indulgence pour un pauvre campagnard qui... » Mais pas du tout, reprit la dame. Je veux dire que vous avez trouvé toutes sortes de moyens ingénieux de vous amuser et de vous tenir en bonne humeur dans vos terres. Je ne sais si je m'amuse beaucoup, dit le vieux seigneur. Je me suis enfermé par dégoût de ce qui se fait à présent à Paris et par toute la France. Je suis le maître ici, j'y fais mes volontés, j'y passe mes fantaisies, j'y suis de vieilles habitudes que nous avons depuis 800 ans de père en fils, sans souci de ce qui se dit et se fait ailleurs. Je n'ai pas mis le pied dans le monde depuis 20 ans. Dans ce temps-là, du moins, on n'y était pas gai. J'allais une fois ou deux au théâtre, je vis des opéras, des vaudevilles. Cela n'était pas fort comique, c'était même fort impertinent. Ces gens-là ne savent plus rire. Je ne m'égaye pas beaucoup ici, mais j'y passe aussi bien le temps, j'imagine, que là-bas. La conversation parut rompue. Mais je ne perdais pas de vue le plat couvert. On n'y avait pas encore touché et la table se dégarnissait sans qu'un laquais y mît la main. M. de B avait communiqué ma remarque à ses voisins, et je vis que tout le monde à peu près s'entendait au sujet de ce plat mystérieux. « Mais, dit M. de B, je n'aurais jamais espéré que le souper se passât sans autre merveille que la bonté de la chair et l'excellent goût de l'ordonnance. » La compagnie se mit à sourire. « Patience, dit un de nos convives en lorgnant le plat en question. Monsieur de Légalade parut ne pas avoir entendu. Un moment après, comme les conversations changeaient d'objet, il appela un valet et lui parla à voix basse. Le valet fit quelques tours, çà et là, et puis, comme sans après, prit le plat couvert et le porta à l'autre bout de la table. « Ma foi, dit monsieur de B, je me fais un jeu de goûter à tout le dessert. C'est une manie d'enfance. Voulez-vous me passer cette cloche là-bas ? Germain, dit monsieur de Légalade, passez à monsieur le plat de la cloche. » Le valet s'empressa, prit le plat, et comme il fut distrait par un de ses camarades, l'alla reposer à l'autre bout de la table. J'observai ce manège, et je crois que chacun faisait comme moi. Le repas tirait à sa fin. Monsieur de Légalade discourait sur le jardinage, et nous étions dans une grande impatience. Enfin, monsieur de B, sans se décourager, demanda le plat de nouveau. Le vieux seigneur renouvela son ordre avec distraction, et l'on apporta le fameux plat devant nous. Monsieur de B fut un peu mortifié de se voir pris au mot et retournant le plat devant lui. « Ouvrez, me dit-il. « Je n'en ferai rien, répliquai-je en riant. « C'est vous, je pense, qu'il avait demandé. « En êtes-vous curieux ? Dit monsieur de B à son voisin de gauche. « Après vous, reprit celui-là. « Eh bien, dit monsieur de B, tout considéré, je change d'avis. « Ne faites donc point de cérémonie, interrompit monsieur de Légalade, et attirant le plat devant lui, il le découvrit sans façon, souleva une serviette. Ce sont des châtaignes, reprit-il. Je les fais couvrir parce que la chaleur du réchaud ne leur vaut rien. Il en prit une et la mangea. Elles sont fort bonnes, dit-il, quoique tout à fait dans la primeur. Ainsi s'achève Le Seigneur de Légalade par Édouard Ourliac.